so? Yes. Botena zela akomi kotala ngamiso ya mambe natuni ontina olobi olataki ndoto ya mambe likambo ya ndoto ezali mpona yo moko likambo toka ya moto N'importe qui est longuité dans la terre. Natunagio d'ailleurs, est-ce que l'autre kinga ou l'obité n'a l'autre mouton? Mais il faut quand même nous en avoir une bonne humeur, ma camarade. Vraiment, Nazaki très touché. Au gros, c'est un rabais excuse quoi. Oh.